Que des amants sont vous. L'amour va céder à la haine. Vous me haïssez. Oui. Moi, je vous hais aussi. Haïssons-nous toujours ainsi. C'est dans la fureur que tous deux nous entraînent.